Allô? Est-ce que je pourrais parler à Jean-Denis? Ah, un instant, s'il vous plaît. Jean-Denis, pour Jean-Denis. Oui, pour Jean-Denis, c'est bon. Mais non, laisse-le là. Non, mais non, ça va décrocher la bouche. Il dort ici, hein? C'est vrai. Allô? Allô, Jean-Denis, c'est Camille. C'est qui ça? C'est Camille. Quoi? C'est Camille. C'est toi, Camille? Oui. C'est ta fête aujourd'hui? Oui, c'est toi, Camille. Je te souhaite une bonne fête. Mais je veux parler à Bruno. Ben, Bruno n'est pas avec moi, Bruno. Il est allé avec ma mère chez Rigodon. Ah. Bye. Pas avec moi. C'est du papal? Tu vas-tu avoir des belles des beaux cadeaux? Allô? Oui. C'est Camille? Oui. Oui. Comme ça, il voulait parler à Bruno. Oui, ben Bruno, il est parti chez Rigodon. Ah! Est-ce que tu as fini de lui parler, Jean-Denis? Quoi? As-tu fini de lui parler? Oui. Oui? Ah, ben je pense qu'il y a Jean-Philippe qui voudrait te parler, Canel. Est-ce que tu vas lui parler? Oui. Oui, OK. Allô? Allô? C'est la fête à ton frère? Quoi? C'est la fête à ton frère aujourd'hui. Oui, puis je vais parler à Bruno. Mais Bruno, je l'ai dit à Jean-Denis. Qu'est-ce que fait Bruno? Il est parti chez Rigodon. Mais je vais parler à Rigodon. Ils sont partis chez grand-papa, chez Rigodon. Ils sont pas ici avec moi. Je suis toute seule, moi. Est-ce que je peux parler à Passe-Montagne? Ah, oh, ben non. Passe-Montagne, il reste pas avec moi. Il est pas où il est. Mais, Caroline, où est-ce qu'elle est? Permis? Oui. Elle est partie avec Bruno chez Rigodon. Oui, mais... Ça, est-ce que... Perlin, il travaille dehors. Dis-lui que je vais parler à Perlin, OK? Ben, je vais lui dire quand elle va revenir. OK? OK. T'es gentille d'avoir appris. T'es gentille. Ouais, t'es simple aussi. Bye-bye. Bye-bye. Allô? Fallait que je m'en sorte. Ben oui, pauvre toi. Il voulait parler à tout le monde. Ben oui, hey, je te remercie infiniment. T'es bien, Phil. Ben, c'est rien, voyons. Là, Jean-Denis, il est tellement impressionné là, qu'il est assis à la table et il regarde le téléphone, comprends-tu? Je suis sûr qu'il va se réveiller dans une heure. L'autre, il veut que je dise à Perline de l'appeler quand elle va revenir. Ah bon? Ben, t'es bien fine, elle. Ben, ça me fait plaisir. Et puis, on se redonne des nouvelles? Ben, oui, il faudrait bien. Ben, ça serait le fun. Moi, ça, dès qu'on aille luncher encore. Oui, moi aussi. OK, ben, je te redonne des nouvelles. OK. Merci infiniment. Bye-bye. OK, bye.